à tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine, et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non ? En ce moment, Intermarché continue de bloquer le prix des fruits et légumes de saison, comme le sachet de 2 kg de pommes bicolores Origine France à seulement 2,59€. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, soit 1,30€ le kilo, calibre 115-150 grammes, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Musiques africaines, une histoire parisienne, une série d'Élodie Maillot réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a le festival Africa 2020, pris dans les mailles du confinement et l'envie de savoir ce qui fait un tube africain à Paris. Alors pour commencer, les personnages. Un président, des musiciens pas naïfs, un homme d'affaires, un animateur star, un étudiant déterminé, un chanteur porte-parole et des musiciens qui inventent. Ensuite, le décor. Des concerts, la Côte d'Ivoire, Yopougon, un festival des vélos électriques, un coup d'État, château d'eau et du coupé décalé. Aujourd'hui, troisième épisode, encore une soirée électorale. Si tu aimes Emmanuel Macron, tape la main. Si tu aimes Emmanuel Macron, tape la main. Si tu aimes Emmanuel Macron, si tu aimes Emmanuel Macron, si tu aimes Emmanuel Macron, tape la main. Si tu aimes Emmanuel Macron, tape la main. Si tu aimes Emmanuel Macron, tape la main. Si tu aimes Emmanuel Macron, si tu aimes Emmanuel Macron. Est-ce que vous savez que partout il y a Emmanuel Macron, il y a de la magie à l'air? Vous êtes là pour la magie à l'air? Merci mes amis. Paris Abidjan, des racines aux machines. Vive la République! Vive la France! Vous avez choisi l'audace et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter. Parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Magic System, alors Red One, Chanty, je me vois toutes les deux mains en l'air, les gars. Toutes les deux mains en l'air comme ça. Choisir Magic System pour envoyer un message, au moment où le président se présente aux Français devant toutes les caméras du monde, c'est quand même un truc extraordinaire. Mais oui, parce que pour l'entourage de Macron, Magic System, à la fois, c'est le groupe à la fois le qui symbolise mieux l'Afrique et qui touche aussi tous les jeunes de banlieue, tous les jeunes de France, de province, qu'ils soient blancs, noirs, arabes, métis, asiatiques, Magic System, c'est... ok, ça c'est l'Afrique. Donc, en termes politiques, ça marque. Regardez. Alors, maintenant, c'est en musique que nous fêtons cette soirée. Est-ce que vous connaissez les Magic System? Choisir Magic System pour envoyer un message, c'est comme choisir Johnny Hallyday. On ne prend pas beaucoup de risques. Quelque part. Et ça marque une modernité dans son truc. Et c'est un message. C'est un message très fort à l'endroit de l'Afrique. C'est un message très fort. L'Afrique, mais l'Afrique également ici en France. Quelques semaines auparavant, il disait à Alger que la colonisation est un crime contre l'humanité. Est un crime en tout cas. Et donc, on est là. Enfin, voilà, il faut marcher sur des œufs quand même. Parce qu'il a besoin que les Français adhèrent à son projet. Si tu aimes Emmanuel Macron, si tu aimes Emmanuel Macron, si tu aimes Emmanuel Macron, tape la main. Mais déjà, c'était une opportunité, parce que c'est quand même le président de la cinquième puissance mondiale qui nous invite à sa cérémonie. Et c'était un signal fort pour montrer cette proximité entre la France et tout le reste du continent africain. Il faut rappeler aux gens que, parce qu'il y a des gens qui ont dit, non, vous ne devez pas chanter pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a gagné sa victoire dans les urnes. C'est pas Magic System qui a voté Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui a mérité sa victoire. Il vient avec une alternance. Et le premier signal qu'il donne, c'est à l'Afrique, c'est à un groupe africain. Généralement, les gens, ils croient que, bon, voilà, on va appeler, je vais pas catégoriser les musiciens, mais on va prendre tel musicien pour venir jouer et tout. Non, lui, il a montré qu'il fallait avoir une ouverture. Hormis les pensées politiques que les gens peuvent avoir, il faut voir l'ouverture que cela crée. Mais effectivement, d'avoir de jeunes ivoiriens d'origine française pour l'un d'entre eux, homme d'affaires, mais vraiment aguerri, il est brillantissime à Salfo. Je pense que ça aussi, ça doit lui plaire. Mais parce qu'il est sur cette thématique-là, aujourd'hui, il faut aider les jeunes Africains qui ont de vrais projets pour l'entreprise, les start-up et tout cela. Donc, il faut les aider. On ne peut pas continuer à faire comme s'il ne se passait rien de l'autre côté de la Méditerranée. Et d'ailleurs, regardons à la fois ses voyages, ce qu'il souhaite faire. L'Afrique est au centre. Lorsque l'on décide que 2020 serait l'année des cultures africaines, ce n'est pas rien. C'est quand même un message très fort. Cela veut dire, nous sommes liés et on peut construire un autre monde ensemble. Quand les Bleus marquent un but en Coupe du Monde, à chaque fois que le ballon entre dans les filets, ce tube de Magic System retentit dans les stades. Quand Emmanuel Macron est en campagne en 2016, c'est encore cette hymne choisie par les Bleus quelques mois plus tôt qu'on entend dans ses meetings. Et lorsque le président élu fête sa victoire au Louvre, si la France célèbre sans le savoir le zouglou, un genre musical et chorégraphique urbain ivoirien, c'est peut-être parce que, comme on dit en Côte d'Ivoire, quand il pleut à Paris, c'est Abidjan qui est mouillé. Comme au théâtre, tout en lenteur, en ombre et lumière, à la façon Mitterrand Panthéon 81, Emmanuel Macron autour de la pyramide du Louvre, plus de 20 000 partisans. Est-ce que lorsque Emmanuel Macron invite Magic System pour fêter sa victoire, le plus jeune, ça a la même signification que lorsque François Mitterrand invite Tori Kounda? Marine Le Pen en score historique malgré la défaite hier soir. C'est une autre époque. Numéro 1 annonce. C'est une autre époque et 81, les choses sont moins crispées vis-à-vis de l'Afrique. Les nuls et les blancs qui pèsent lourd aussi 4 millions de suffrages. Mais les choses sont moins crispées dans les années 80. Dans la bataille des législatives a commencé, elle sera sans pitié. 2017, c'est plus compliqué. C'est l'immigration, c'est un sujet central de la vie politique française depuis 20 ans, 25 ans. Emmanuel Macron vient de battre Marine Le Pen. Oui, on en revient à l'immigration, la problématique est aujourd'hui cruciale en France, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à faire comme s'il ne se passait rien de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire que la France porte une lourde responsabilité dans la venue de tous ces jeunes, dans le besoin de ces jeunes de quitter leur pays. Nous, on n'a pas pris de bateau, on n'est pas passé par Lampedusa pour aller en France. On a cru en ce qu'on faisait, on a sorti un album qui a marché, et c'est cet album qui nous a aidés à aller en France. Mon rêve, c'était d'aller à Paris, oh. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Oh, oh. Mais notre enfance à Numambo, c'est les petits qui s'y lèvent avec des parents qui ont peu de moyens, on vit dans des maisons en baraque. Donc c'est la vie du ghetto. Mambo, c'était ça. C'est de s'élever le matin et puis ne pas savoir ce qui nous attend le soir. On n'avait pas les trois repas du jour. Donc souvent, on appelait ce qu'on appelle la mort subite. C'est manger une fois et attendre le lendemain. Donc c'est un peu compliqué. La vie n'était pas aussi reluisante. Mais on avait quand même espoir et on avait cette joie de vivre là qui nous faisait tenir. Pourquoi j'ai entendu cette et voilà, c'est... Mais on, jamais on avait pensé qu'on deviendrait des artistes un jour. Nous, on faisait ça juste parce qu'on aimait. Parce et puis bon, la passion s'est transformée en vocation. Et à notre époque, on ne pouvait pas être ici et développer une carrière internationale. Ce qui nous a amené à nous installer en France, mais sans toutefois couper le cordon ombilical avec l'Afrique. Magic System, il y a 20 ans de cela, nous aussi on a aimé la France. Nous aussi on a rêvé de la France. Mais jamais dans notre tête, nous avons pensé que nous allons emprunter des chemins périlleux pour aller en France. Nous n'avons jamais pensé au désert. Nous n'avons jamais pensé à la Méditerranée. On ne peut pas quitter en Afrique et puis aller chanter comme Patrick Bruel ou Johnny Hallyday. Il faut apporter quelque chose que les Français n'ont jamais vu. Et c'était ça, c'était cette joie de vivre, cette originalité, que les gens voyaient qu'on faisait une musique qui sortait. Et à un moment donné, c'était tellement flagrant que n'importe quelle musique africaine, on entendait, on disait ça, c'est du Magic System. Parce que Magic System, c'était devenu le concept des Africains qui viennent donner la joie de vivre, qui viennent faire truc et ça. C'est, on est content. Souvent, je me dis qu'on a eu la grâce, peut-être que certains n'ont pas eu. Et bon, c'est vrai qu'à un moment donné, musicalement, les gens ont cru qu'on dénaturait, mais ils ont tout de suite compris que c'était une manière d'aller à la rencontre de d'autres cultures avec celles que nous avions déjà. Et ça a pu donner ce que vous constatez. Chaque fois qu'on sort quelque chose en France, c'est un succès. Est-ce que vous avez des rêves? C'est fait! Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez des rêves? C'est fait! Les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois! Magic System! Avec le club! Équipe de France! Bien avant d'être diffusé pendant la Coupe du Monde ou dans les meetings de La République En Marche, Magic System a conquis les hit-parades et les pistes de danse parisiennes dès la fin du siècle dernier, avec l'histoire d'un imbécile, un gaou comme on dit en Côte d'Ivoire. Et tout commence quand Claude Issiard, l'animateur vedette de RFI, Radio France Internationale, vient présenter un concert de Zouk Antillais à Abidjan. Lorsqu'en 99, en octobre 99, nous organisons un spectacle au Centre culturel français, comme on disait à l'époque, à Abidjan, je fais la promo du spectacle à RTI, je suis reçu sur le plateau de la RTI. Radio-télévision ivoirienne. Ouais. Et après l'interview, il y a un jeune qui vient me voir. Ouais, grand frère, on vient de sortir notre cassette depuis une semaine là. Mais tu sais, pour nous, c'est pas facile au pays. Si toi, le grand frère, à Paris, tu diffuses notre arrosé cassette, et c'est parce qu'il y avait les deux, les, à ce moment-là, cassette et CD. Si tu diffuses notre œuvre, nous, ça peut vraiment nous aider, vraiment. Alors, je prends le CD, j'écoute dans la voiture et il y a un numéro de téléphone. Oui, il y a un numéro de téléphone. Ok, d'accord, j'appelle. Ah, merci grand frère. Et dans la voiture, j'écoute le premier titre. Et le premier titre, c'est Premier Gaou. On est donc en octobre 99. Et là, je sais qu'il se passe quelque chose. Et lorsque je rentre à Paris, tous les deux jours, je diffuse Premier Gaou. Et j'ai des appels du monde entier. Enfin, et à Paris, je dis, mais mets-nous en contact avec nous, on est prêt à sortir l'album. Et c'est comme ça que l'album de Magic System est sorti en France. Après, le remix de Bob Sinclair a permis au titre d'aller encore un peu plus loin dans les clubs. Et puis, la suite, vous la connaissez, le Magic System. Alors, pardon, pour la petite histoire, le fameux jeune homme devant la RTI, c'était Assalfo. Un des chanteurs de Magic System. Bah, le leader, chanteur, la tête pensante, et quelqu'un qui a tout compris au business du disque aujourd'hui. En l'espace de quelques mois, je l'ai vu, mais tout comprendre en France. Ah, je sais pas, moi. Je sais pas comment, pourquoi Premier Gaou a marché. Je suis sûr en 100% que les gens n'attendaient rien dans ce que je chantais au début. Mais bon, c'est une bonne sonorité, une bonne rythmique, une joie de vivre qui traverse un titre dans lequel on a voulu raconter une histoire. Mais l'histoire de celui qui est paumé et qui voit sa copine partir parce qu'il n'a plus d'argent et qui se traite lui-même, c'est une autodérision, hein, se traite lui-même d'idiot et qui trouve un mot, Gaou, qui est un mot original et qui trouve un refrain qui accroche tout de suite. Et voilà, ça arrive en France. C'est la communauté africaine qui la propulse et puis bon. Après, on a la chance d'être diffusé sur des radios françaises et puis bon, le succès il part de là et voilà. C'est lorsque je diffuse la chanson, lorsque je suis à Paris, je me rends compte de la dimension à la fois très africaine et pop internationale de ce titre-là. Vraiment, parce que Comment peut-on expliquer que des Français du Limousin arrivent un jour à danser avec les premiers gaou, mais pas gaou, même à contre-temps? Voilà. Non, mais ça veut bien dire. Mais ça nous ramène tous à ce qu'est la musique, à ce que représente la musique et à cette force spirituelle même de la musique. Et donc, à ce moment-là aussi, il y a énormément de professionnels des médias qui veulent aller chercher à nouveau des talents en Afrique. Parce que Magic System devient symbole d'une nouvelle génération de variétés africaines après les stars des années 80. Toujours là, certains sont devenus totémiques, mais voilà, le 109, d'où vient-il? Il vient de Côte d'Ivoire. Oui. Allô? Alors, parce que comme je lui ai dit, je vais lui envoyer un truc, et puis elle me dit, c'est comme on m'envoie de France. Donc comme je n'ai pas encore tout regardé dans mes bagages, allô? Alors tu me la laisses. Allô? J'ai rien dit. Ici Abidjan, Babi, comme on dit en Côte d'Ivoire, en voiture avec Didier Billet, parent du campus, un des précurseurs du Zouglou, ce style ivoirien que Magic System a modernisé, et qui à l'origine chronique les vicissitudes et galères du pays. Ah, la Zouglou Mobile, on commence fort là. Vous savez, Batman avait la Batmobile, et moi je suis le précurseur du Zouglou, et donc j'ai la Zouglou Mobile, c'est ma voiture s'appelle la Zouglou Mobile. Mon téléphone s'appelle le Zouglou Fort. Il n'y a pas d'envie d'éviter. Ah ben, la situation de 2018 est la même situation de 2005, de 1999, de 2007. C'est toujours la même chose. Les situations sont les mêmes. Et comme le Zouglou est le révélateur des problèmes qu'il y a dans la société ivoirienne, les problèmes sont les mêmes. Parce que le Zouglou, c'est quand même l'équivalent de ce qu'est le reggae pour les Jamaïcains, ou le rap pour les Noirs américains. Et en Côte d'Ivoire, le Zouglou, c'est vraiment cette musique-là qui décrit les tares, les problèmes de la société au quotidien. Alors, souvent on nous demande, mais le Zouglou est-il une musique de l'opposition? J'ai dit oui. On appelle ça le Zouglou. Dans le Zouglou, vous allez trouver des rythmes très culturels et traditionnels comme la Kpongbo, le Gbegbe, le Zaouli, des choses comme ça qui viennent de certaines régions de la Côte d'Ivoire. C'est tout ça qu'on essaie de mettre en sauce et ce résumé résumatif-là a donné le Zouglou. Moi je suis au chômage, il dit depuis les Kpongbo, vraiment il n'y a plus l'argent. On peut plus manger, j'ai dit on peut plus dormir, vraiment tout a changé. Si mes petits enfants m'achètent que d'autres jettent des amis, c'est que c'est gâté. À mes chers amis, autant de beaux gros copies quand y allait à Yop City, cité étudiant qui est devenu cité policière, vraiment tout a changé. Avant de vivre entre Paris et Abidjan, tout commence en 89 pour Didier Billet. À l'époque, il est encore lycéen et il passe ses vacances chez sa tante qui habite tout près de la fameuse cité de Yop, l'université du quartier de Yopougon, à Abidjan. C'est là que des danseurs et des animateurs l'initient au Zouglou moderne, de quoi convaincre le jeune Didier Billet de quitter sa filière scientifique pour rejoindre le campus de Yop City. On dit qu'un bon étudiant de Yop pouvait finir champion olympique parce qu'on courait toujours plus vite qu'un militaire. Tu prends le boulevard sauf qu'il peut, et puis tu atterris dans la rue, cours seulement. Moi vraiment, cette façon de faire là, j'ai trop kiffé la chose. Cette façon de faire, faut que j'arrive à tout prix à la cité de Yop. Donc, ce qui devait arriver, arriva. On m'a orienté en sciences co, je me suis retrouvé à Yopougon. Et puis j'ai commencé à libérer un Zouglou. Voilà. Et c'est vraiment pour ça que je suis arrivé à Yopougon. C'était Yopougon or nothing. Mais avant au lycée, c'était les matchs de foot, c'était nous allons gagner. Hey, hey, hey, nous allons gagner. C'était des chansons comme ça, mais on va les gagner. Et hey, on va les gagner. Et hey, c'était des chansons là, comme ça, mais pour encourager, comme des chansons de supporters. Mais quand je suis arrivé en cité universitaire, c'était plus la même chose. Il fallait chanter des chansons qui traduisaient nos problèmes. Parce que nous vivions déjà dans un état de promiscuité à la cité de Yopougon. À la base, l'université de Côte d'Ivoire était prévue pour 7000 étudiants, et puis quand nous on est arrivé en 90, il y en avait 21000. C'est parce qu'il y avait une seule université en Côte d'Ivoire, c'était à Abidjan. Ceux qui avaient le bac à Yamoussoukro, à Korogo, à Man, ils faisaient comment? Ils n'avaient pas forcément des parents à Abidjan. Et pour nous, il y avait une devise, l'essentiel c'est le principal. Fallait vraiment essayer de dormir et aller au plus pressé. Alors chez nous, quand les gars venaient le matin, c'était juste des visiteurs. Et puis le soir, c'était des squatteurs. Mais on les appelait les Cambodgiens. C'était des choses comme ça qu'on faisait. Et il y avait une notion de fraternité très forte qui faisait qu'on s'appelait les parents. Il n'y avait pas besoin de savoir de quelle origine tu étais. On partageait tout ensemble. Le repas, tout, sauf les femmes. On partageait tout ensemble. Et c'est pour ça que notre premier groupe s'est appelé les parents du campus. Pour traduire un peu la force des liens fraternels et amicaux qu'on avait. Voilà. De toutes les façons, nous sommes tous rattrapés par la mondialisation. Oh Dieu, cette mondialisation-là. Mais les Turcs, les Chinois, les Albanais, tout cela commence à goûter au déboire de l'immigration. Uh-huh. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, toujours. On vit tous les jours. Abidjan vit tous les jours. Oui, il y a la vie, tout le monde sort, les gens sortent peu. Abidjan, c'est du 24 heures sur 24. Babi, c'est Abidjan. C'est le petit nom d'Abidjan, Babi. Puis on dit c'est le zouglou qui nous enjaille. C'est-à-dire, c'est ce qui fait danser Abidjan, c'est le zouglou. Que tu passes dans toutes les communes d'Abidjan, les 10 communes d'Abidjan, il y a toujours un espace où on te parle du Zouglou, on te parle des faits de société. Willy est l'une des voix du groupe Zouglou Makers. C'est dit que c'est le Zouglou qui fait danser tout Abidjan. C'est-à-dire, quand tu veux l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, c'est le Zouglou. Quand tu veux parler de musique en Côte d'Ivoire, tu parles du Zouglou. Voilà. Est-ce que Korogo est prêt à danser le Zouglou avec vous ce soir? Je veux voir toutes les deux mains en l'air, les gars. Abrigo! On va libérer un Zouglou. On n'indexe pas forcément un président en place ou quoi, mais il faut parler de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Aujourd'hui, ça commence à aller, sinon on sort d'une période très compliquée. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Il y a une partie des gens qui n'est pas traitée comme les autres. Et ça, c'est oui, mais c'est partout comme ça. Quand on est en période de campagne, on fait certaines promesses. On dit à certaines personnes que je veux te sortir de là pour te mettre à ce niveau-là. Alors que c'est pas évident qu'après ça arrive. Donc il faut des gens comme nous pour pouvoir continuer de dire à ces gens-là que ce que vous avez dit, vous n'avez pas réussi à le faire. Donc, faut penser à le faire. Voilà. Et donc, nous, c'est notre combat, ça. Nous sommes la voix des sans-voix. N'est pas Zouglou, je dis qui le veut. Mais Zouglou, celui qui a des convictions. Le Zouglou est la voix des sans-voix. Et par nos chansons, on vous entendra. Nos paroles compatissent à votre souffrance. Et nos refrains apaisent vos ardeurs. Et ça, c'est le Zouglou. Le Zouglou, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il y a la rythmique en dessous. Et puis, il y a le message. Ambiance facile au maquis Burkina, un café en plein air du quartier Anoumambo, Côte d'Ivoire. Ça existe toujours, parce que dans le Zouglou, il y a beaucoup de compartiments. Il y a ceux qui font l'ambiance facile, qu'on appelle les woyons, qui animaient les funérailles, qui continuent d'animer les funérailles. Mais avec le temps, ces mêmes groupes d'animation ont commencé à jouer dans des occasions plus festives. Des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Prométhée est un des chanteurs de Révolution, un jeune groupe de Zouglou qui vient d'être signé par Sony Music. Dans les albums Zouglou, il y a toujours au moins une chanson qui parle justement de la mort, de cette réalité-là Ça, ça fait partie du Zouglou, cette transmission d'émotions-là qui existe. Ça existe toujours dans le Zouglou. Ça reste, ça demeure, ouais, ça demeure, ouais. Les rappeurs qui font pidi, pada, pidi, pada, pidi. Ce sont des musiques de notre terroir qu'on a modernisé en fait. C'était plus une musique de terroir, une musique de quartier, mais c'était pas quelque chose qu'on pouvait jouer dans des nightclubs ou bien dans des grandes fêtes et tout. C'était plus de l'ambiance. Je sais pas comment dire ça. C'est ivoirien en fait. Je sais pas comment définir ça, mais voilà. Je sais pas trop comment faire la différence, mais en fait, c'est maintenant que ça devient encore plus urbain, si on veut dire. C'est parti en fait du groupe Magic System qui a osé faire des changements au niveau des rythmiques parce qu'ils ont été capables d'allier la pop dans la manière de chanter le Zouglou. Parce que quand ils font Seal the Magic in the air, aïe aïe aïe, même en fait, c'est des trucs qui sont ivoiriens. Aïe aïe aïe, lève les mains en l'air, les tenues, la manière de chanter. C'est purement ivoirien, mais ils ont. Voilà, c'est traditionnel. Mais après, si on peut dire le beat qui est en bas, qui accompagne, la manière dont c'est produit, ça rend cela encore plus international. Voilà. Mais ça garde toujours la coloration Zouglou, si on peut dire. Voilà. Secret africain, un titre de Magic System qui raconte l'histoire d'un secret, celui de Freddy qui part en France demain, mais personne n'arrive à garder le secret. Intéressant avec les Magic System, c'est que si on les regarde, on dit c'est un peu la fête au village, quoi. C'est Patrick Sébastien, on fait tourner les serviettes, côté populaire, mais le côté populaire sur lequel tout le monde va danser dans le club de Palais Basse les Flots, mais que tout le monde va rejeter en bloc entre guillemets le milieu, on va dire un peu plus élitiste de la grande musique. Narges Bahar est journaliste musicale, spécialiste des musiques urbaines africaines. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que lorsque on est en Côte d'Ivoire et que l'on parle des Magic System avec les artistes de la jeune génération, de l'ancienne génération, et pas qu'avec les artistes d'ailleurs, on se rend bien compte qu'ils ont fait énormément pour le pays, notamment avec leur festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qu'ils ont créé il y a plus de 11 ans dans leur quartier et qui aujourd'hui est devenu l'un des plus gros festivals de l'Afrique de l'Ouest. Et l'idée de Asalfo, le leader des Magic System et du groupe, depuis les débuts, ça a toujours été de dire « Nous n'allons pas simplement faire de la musique, on va apporter quelque chose aux gens et on va leur laisser quelque chose. » FEMUA 2018, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, un festival dont l'organisation est digne des plus grands festivals européens, une sorte de vieille charrue gratuite, organisée dans un quartier populaire d'Abidjan pour des dizaines de milliers de spectateurs, avec des concerts bien sûr, des têtes d'affiches, mais aussi des conférences, des ateliers et des actions sociales qui font la particularité de ce festival panafricain, fier de ses partenariats privés. On y croise des hommes sandwich avec des écrans plats alimentés par des clés USB et des batteries au lithium qui font la promotion de la bière locale, celle que boit la star de foot Didier Drogba. On s'y déplace en vélo électrique made in Côte d'Ivoire sous les logos jaunes omniprésents du principal partenaire, l'entreprise de télécom sud-africain MTN, choisie par Asalfo. c'est pas juste par hasard. Le panafricanisme aussi commence par l'association de nos visions. Je suis content que pour un festival aussi panafricain et aussi engagé comme le FEMUA, il y a le groupe MTN, qui est un groupe dont tout le monde sait les origines, qui aujourd'hui aussi s'inscrit dans cette même vision de tirer l'Afrique vers le haut, qui nous accompagne. J'ai pas eu les partenaires dès le premier coup. J'ai fait au moins 3 éditions à perte avec mes droits d'auteur. Et puis les gens ont commencé à voir, à croire. Je suis content aujourd'hui que le festival ne soit pas financé à grande partie par des institutions internationales qui peut-être viendront m'imposer une vision qui n'est pas la mienne. Donc j'ai main blanche et carte libre. C'est presque un rêve qu'on ne pouvait même pas mettre dans la tête. Mais aujourd'hui, je suis content que cela puisse se faire avec le financement des partenaires privés. Le musicien d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement celui qui chante ou celui qui va dîner dans les palais. C'est celui qui va dans les palais avec des projets, avec des idées. Le musicien peut jouer un rôle très important. Le musicien peut être un pilier de développement dans son pays. Et c'est ce rôle-là que nous montrons avec toutes les actions que mène Magic System, avec la construction des écoles, la construction des hôpitaux. On ne peut pas dire qu'on est artiste et qu'on n'a pas pour valeur le partage. Le partage, déjà chanter, donner des émotions, c'est partager quelque chose. C'est vrai qu'il est 1h du matin, mais le show n'a pas d'heure avec nous. Bondi, on a fini, mais je dois aller à Paris, dames et messieurs. Et pendant qu'Assalfo réinvente une solidarité, qu'il pense développement et musique entre Paris et Abidjan, entre Châteaurouge et Babi, et tandis que l'argot d'Abidjan commence à éclabousser les boîtes chics de Paris, d'Ibissa et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire enjaille toujours la capitale française. Enjailler, ce mot d'argot ivoirien qui veut dire faire la fête, vient même d'entrer dans nos dictionnaires. Et les débuts de cette fascination pour le clubbing ivoirien remontent peut-être au premier remix du DJ français Bob Sinclair. En ce début des années 2000, la Côte d'Ivoire s'enfonce alors dans la crise. Après le coup d'État de 99, une nouvelle diaspora fuit le pays. Elle est jeune et souvent diplômée et débarque à Paris plutôt qu'à Londres ou à New York. Des maquis et des bars clandestins ivoiriens ouvrent à Place Clichy, Colonel Fabien ou Aubervilliers et la jeunesse ivoirienne se réinvente dans les boîtes de nuit. Parce que la nuit, tous les chats sont gris. C'est l'Afrique, ouais. Et on est où ici? Nous sommes à Paris, mais ici c'est l'Afrique. Ouais, ici c'est Château d'eau. Ouais, ici c'est Paris, mais c'est Château d'eau. Même Paris, on est. Non, c'est pas, ça va déjà. C'est chez les Africains. À Paris, pendant que la Côte d'Ivoire se déchire et se partage en deux, à l'Alysée, au Nelson, au Titan Club, c'est l'unité dans l'enjaillement et la fête. On flambe, on farote. Une bande de jeunes immigrés ivoiriens crée une nouvelle musique et un nouveau genre, ou plutôt une façon de vivre, administrée par la jet set, dominée par le président de la joie, le héros national bouche bée, Doug Saga, dit Sagacité. Écoute ça. Sagacité. Avant d'être une musique, le coupé décalé, c'est d'abord une vision de la vie qui va permettre au pays et à sa diaspora de traverser des années de guerre dans une certaine unité sonore et chorégraphique. Parce que le coupé décalé, littéralement coupé de l'argot arnaqué et décalé, qui veut dire partir des guerres pires, le coupé décalé donc, c'est d'abord une danse. C'est l'affaire des boucantiers, ceux qui font du boucan, du bruit, et des faroteurs, ces jeunes qui s'affichent en habit de marque, cigares aux lèvres, et qui distribuent leur argent dans les boîtes de nuit. À coup de proverbe, un des préférés de Doug Saga, c'est « Si tu ne manges pas la vie, c'est la vie qui te mange ». Au départ, les jet-setters ne sont pas du tout musiciens, ils inventent juste une nouvelle façon de vivre et d'incarner le carpe diem en version diaspora à Paris. Et celui qui se fait appeler le président de la jet-set, Doug Saga donc, danse et dépense, mais il n'est pas musicien. Et c'est l'arrangeur de Magic System, David Tayoro, qui va réussir à trouver une expression musicale à son exubérance. Le coupé décalé est né. Parce qu'il avait un. C'est quoi? Je ne sais pas l'origine que vous donnez au coupé décalé, ce n'est pas moi de le faire. Didier Bilou. Le coupé décalé est une petite sœur du zouglou. Ils ont commencé sur des rythmes zougloutiques, mais coupé décalé a une autre philosophie qui est propre à eux. C'est le bling bling. Je n'ai rien, aujourd'hui j'ai un peu. Même si mon moment de gloire doit durer une seconde, je le montre. Et Sadouk Saga l'a bien fait. Je suis pas riche, mais si j'ai 1 million, en 2 minutes, il faut qu'on sache que j'ai 1 million. Bon, mais il faut être milliardaire, multimilliardaire pour pouvoir vivre avec 2 millions, 2 secondes, 2 secondes tout le temps. Voilà. Mais il peut faire du flashy. Ça, c'est leur feeling. Que je respecte. C'est pas ma philosophie de la vie. Voilà. Mais c'est vrai qu'eux, ils étaient en France. Donc forcément, quand ils venaient très habillés, ceci, cela, ils ont influencé la société ici. C'est, ah, les Parisiens, ils arrivent, qu'on appelle les Parigots, les Benguistes. Bengue, pour nous, tu vas à Bengue, tu vas en Europe. À Paris, chose, tu vas à Bengue. Donc, quand tu reviens, on dit, c'est un Benguiste, ceux qui viennent de l'Europe. Ben, voilà, c'est dans le patois, plutôt dans le vocabulaire populaire ivoirien. Et eux, ils avaient leur façon de voir. Vous savez, la culture française, par exemple, par rapport à la richesse, n'est pas la même que la culture anglo-saxonne. Et nous sommes une colonie française. Donc nous, on est beaucoup dans l'humilité, c'est zougloutique. Et puis le bling-bling, allez, tu vois ma belle montre, c'est là, c'est coupé-décalé. Mais chacun fait ce qu'il a à faire. Et puis, comme ça, les oiseaux volent par catégorie. Les éperviers ne volent pas avec les manches-milles. Ça se passe dans les pieds. Président Malik Toé, Jacques Anoma, les éléphants sont chaussés. On y va. Hey, massez les pas, hey. Massez les pas, hey. Massez les pas, hey. Massez, oh, que les caissés, oh, que les caissés, oh, que les... Assoba. Affaire de points à Abidjan. Qui n'aime pas points? Moi, ce qui m'avait surtout intéressé dans le coupé-décalé, c'est le phénomène social dans lequel ça s'inscrit de manière générale. Hein. C'était pas tant la musique, le style musical, mais les messages, les images que la musique transporte, en fait. Hein. Ça... Donc, du coup, ouais, je me demande... Hein, Dominique Holgen est allemand, il est juriste et anthropologue. Il préparait une thèse doctorale sur les migrants clandestins au regard du droit européen quand il a découvert le coupé-décalé au détour d'une enquête de terrain. On vivait dans un monde de la nuit un peu parallèle, enfin, qu'on passait des soirées à partir en boîte et à vivre aussi un autre monde qui m'intriguait tout autant. Pour moi, j'avais ce sentiment qu'il y avait quelque part un lien, en fait, entre ce monde qu'on vit la nuit et ce monde dans lequel on se projette des migrations. Quoi. C'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à m'intéresser au coupé-décalé, qui est né quelque part dans un dialogue, à nouveau, et là ça redevient intéressant, dans un espèce de dialogue entre Paris, entre les boîtes de nuit parisiennes et abidjanaises à l'époque. C'est devenu assez vite un aller-retour, en fait, entre Paris et Abidjan. Oui, c'est une musique à l'origine de la diaspora, si on veut, mais d'une diaspora extrêmement mobile et extrêmement connecté à son pays d'origine. C'est le côté, justement, je pense qui pour moi le rendait aussi intriguant en travaillant sur l'immigration, de voir que c'est une musique qui veut justement, en tout cas dans les images et dans ses textes, faire passer un message aux personnes qui sont restées au pays. Écoute ça. Le commandant ange caissé du gouvernement, policia, c'est vraiment fort, cette fois-ci trop fort. J'avais dit que la fête est grave, mais cette fois-ci la fin est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, à tous les sommets. Je suis le sommet des sommets de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. L'état d'urgence en Côte d'Ivoire, les manifestations d'hier ont fait officiellement 3 morts. Les partisans d'Alassane Ouattara protestent contre l'invalidation de sa candidature aux législatives. Quand la Côte d'Ivoire s'enfonce dans la crise, ce pays jusqu'ici prospère d'Afrique de l'Ouest se transforme en pays d'émigration. Et pour une jeunesse en quête de nouvelles images, en quête d'avenir et de sens, le coupé décalé devient la BO, qui bricole une nouvelle musique urbaine, première musique électronique faite maison par la diaspora, avec des influences zouglou-ivoiriennes et congolaises, notamment celle des noctambules ayant fui la crise au Congo pour se réfugier à Abidjan et qui flambent en boîte, sapées comme jamais. À Paris, grâce au coupé décalé, le temps d'un morceau, les chômeurs peuvent travailler, les sans-papiers voyagent, les immigrés sont riches et les billets verts de 100 euros virevoltent dans les nuits parisiennes. La famille et la patrie sont loin, il ne reste que le travail manque. Bon, déjà, le travaillement, c'est redistribué en boîte de nuit, souvent parmi d'autres personnes qui sont là, en exil. Mais c'est certainement pas cette idée de solidarité communautaire traditionnelle qui est quelque part la référence du migrant qui part. Enfin, en tout cas, la référence implicite sur laquelle se passe souvent le départ en migration. Donc, quelque part, c'est aussi l'aveu d'un échec, enfin, en tout cas d'une certaine idée de solidarité communautaire à laquelle on contribue en émigrant. Mais avec le coupé décalé, la devient aussi. Et c'est là où les choses sont extrêmement compliquées et intéressantes, parce que finalement, le coupé décalé suggère justement ce que tout le monde sait en réalité, c'est que cette réussite sociale par la redistribution communautaire ne fonctionne pas, mais qu'il y a un autre modèle possible, qui est celui-là. C'est-à-dire celui de flamber en boîte. Oui. Tout à fait, mais qui en même temps est une manière joyeuse aussi de tenter, et je pense que c'est ça qui est très important, de tenter quelque chose de nouveau. Ces gens qui se croisent en boîte de nuit, ils sont solidaires, enfin, ne fût-ce que parce qu'en vivant en diaspora, enfin, face au racisme, face au rejet de la société d'accueil, enfin, on développe une certaine solidarité, mais aussi parce qu'il y a un souvenir de ce mode de fonctionnement qu'on peut avoir connu pendant son enfance. Enfin, il est évident qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'invente dans tout ça, qui, je pense, pour l'anthropologue, est extrêmement intriguant, mais qu'on a beaucoup de mal à saisir. On sent juste que dans cette musique, il y a quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement qui trouve énormément d'adhérents et qui, d'une certaine manière, fonctionne. Et c'est très intriguant. On ne s'enfuit pas comme ça, Guantanamo. Oui, afin de Ken, on va pas laisser les... Oh toi mon frère, oh toi qui kené ma ou même si t'as rien fait, tu peux te retrouver. Toi qui t'oscilla, il faut faire attention. Toi qui travaillais, tu peux te retrouver. Les textes de cette musique-là ne sont pas là pour plaire aux Occidentaux. Ce sont des textes vraiment de cette jeunesse africaine. Ils racontent ce qu'ils veulent. Ils parlent de la façon dont ils veulent, avec ce français relâché, avec Ornouchi lorsqu'ils sont... où ils mettent aussi poses aussi en lingala dans les titres. C'est ça la force, c'est-à-dire qu'entre Congo, Abidjan, Paris, ça aurait presque pu être le nom d'un album. De coupé décalé. C'est vrai que cette musique-là, elle devient aussi internationale parce qu'elle retrouve ce que d'autres artistes africains ont trouvé à Paris, c'est-à-dire une terre propice à envahir le monde, quoi, être en tout cas écouté par un plus grand nombre de mélomanes à travers la planète. Et donc, début des années 2000, voilà, Paris, malgré tout, foisonne encore, a encore envie un peu d'africanité. Alors, entre-temps, il y a eu plus de clubs, plus de ceci, des radios, mais les réticences des médias sont toujours là. Parce que les artistes de coupé décalé ne passent pas en télévision. Et ne sont jamais passés en télévision. Enfin, en tout cas, sur les grandes chaînes françaises. On n'a pas entendu de coupé décalé sur Canal, sur France 2 ou sur France 3. Ni sur TF1. Dans ces premiers clips du coupé décalé, on voit des grosses voitures, on voit sur les boulevards, les avenues parisiennes, on voit les hôtels de luxe, des boutiques de luxe, des Champs-Élysées, très banal, la Tour Eiffel, mais où il y a des Africains qui s'approprient l'espace public occidental et qui redistribuent, qui balancent leur argent dans la rue. En Occident, enfin, qui sont très clairement là, enfin, qui sont présents dans la scène publique. Je pense que ça, comme image, c'est aussi à nouveau assez fort et assez important. Et part de là le fait que la musique elle-même, son rythme, sa manière de mobiliser différentes références et indépendantes, ou en grande partie indépendantes de références européennes, cette musique, dans ces images, montre, enfin, qu'il y a une forte indépendance. Est-ce que vous êtes en train de dire, Dominique Colguen, qu'en fait, le message du coupé décalé est très subversif? Très clairement, oui. Le coupé à lui-même, c'est une musique certainement, enfin, dans ses messages provocatrices. aussi subversif. C'est une musique de jeunes qui, en grande partie, sont sortis du ghetto à Abidjan, qui ont parfois traversé la Méditerranée au péril de leur vie. Et oui, et c'est une musique aussi subversive, oui. Ouais, certainement, c'est une musique qui est produite quand même avec assez peu de moyens sur un ordinateur, enfin en grande partie, donc qui et qui très clairement s'est faite sans Européens. Enfin, je pense que le coupé décalé n'a fait que rappeler en fait que la musique africaine, oui, enfin, est quand même très fortement indépendante, ouais. Et que c'est en réalité nos musiques pop écoutées en Europe qui, en très grande partie, par des détours divers, viennent d'Afrique. Et que je pense que, oui, enfin, les références européennes, à mon avis, sont quand même de toute manière assez limitées dans la musique africaine. L'Afrique est quand même aussi présente dans les esprits franco-français. Enfin, elle fait partie du paysage, beaucoup plus que dans une ville comme Bruxelles, par exemple. Hier, j'étais à la kermesse de fin d'année dans l'école de ma fille, enfin, qu'on joue du Magic System pour faire danser les enfants. C'est Paris, de mon sentiment. Mais ce qui est certain, c'est qu'un Africain qui arrive à Paris, il ne vient pas en terre complètement étrangère. Ce n'est pas un endroit anodin, je dirais, pour un Africain francophone. C'est Paris. Depuis Abidjan ou Paris, DJ Arafat, DJ Kejevara, le Mola Omar alias Molaré et d'autres racontent le temps présent et le monde, l'actu de la grippe aviaire ou de Guantanamo. Dans les nuits et les clubs afro d'Abidjan et de Paris, la musique retisse l'unité jusqu'à ce que la paix revienne enfin en Côte d'Ivoire. Et avec cette paix, et puis l'arrivée de la 3G et de la banque mobile sur les téléphones portables, de nouveaux espoirs de développement arrivent en Côte d'Ivoire, ce qui n'échappe pas au major du divertissement. Bolloré ouvre des salles de concert sur le modèle de l'Olympia en Côte d'Ivoire et au Cameroun, et Universal et Sony viennent d'ouvrir des bureaux tout neufs en Côte d'Ivoire. Après avoir produit Césaria Evora pendant toute sa carrière, le patron de Lusafrica, le label lusophone de Paris, José da Silva, vient de s'installer à Abidjan. Je crois pas, je crois pas, je crois pas, ta maman t'a fait garçon. Quand quelque chose explose à Abidjan, automatiquement dans tous les autres pays, c'est impacté. On en parlait depuis longtemps de l'Afrique et on m'a mis un peu au défi de proposer quelque chose et je proposais un projet dans lequel le siège était à Abidjan. Pourquoi aujourd'hui ? Je pensais que c'était le moment maintenant de le faire. Et donc ça fait un an et demi que j'y suis installé, que je suis en train d'installer Sony aussi bien à Abidjan que dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest en ayant des représentations un peu partout. Actuellement, il y a vraiment une accélération. On sent que c'est en train d'aller très vite parce que je pense que le pays économiquement est en train d'exploser. Après, pour nous, la musique surtout, c'est l'ouverture à l'internet. C'est-à-dire que quand la 3G arrive en Afrique, automatiquement, il devient possible d'écouter de la musique et donc tout le business musical rêve justement de cette grosse manne qui va être l'Afrique où vous avez aujourd'hui, on parle de bientôt 800 millions de smartphones. C'est énorme. C'est énorme, c'est autant de clients potentiels pour le streaming, pour du download. Donc tout le monde rêve d'avoir une plateforme en Afrique qui fonctionne. Et on pense que l'Afrique, une fois que tout sera comme il faut installé et qui fonctionnera, l'Afrique pourrait devenir un marché plus gros que l'Amérique latine ou même que l'Asie. C'est-à-dire que dans les années 70-80, il y avait une présence des majors au Nigeria, par exemple, en Côte d'Ivoire. Puis elles sont parties et aujourd'hui elles reviennent. C'est aujourd'hui elles reviennent ou elles reviennent pour plusieurs raisons. Effectivement, économiquement parlant, les feux sont ouverts sur beaucoup de territoires. Franck Kakou est jeune et il a grandi entre la Côte d'Ivoire et la France. Il vient d'être nommé directeur Afrique de la major universale basée à Abidjan. Mais on a aussi une demande sur le continent et à l'extérieur du continent, de musique, de consommation de musique africaine venant de l'Afrique est en pleine explosion. On le voit, on le sent, on le constate. Et je pense que cette possibilité qu'on a aujourd'hui d'aider à cette cette éclosion-là, ou cette rééclosion, on va dire, de découverte des musiques africaines. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi pour ça que nous, localement, on offre cette possibilité-là aux artistes qui sont à la recherche d'une aura africaine, panafricaine ou un peu plus locale pour commencer. On leur offre cette solution. On leur offre cette solution et il n'est plus nécessaire de s'adresser directement à Paris ou en Angleterre ou aux États-Unis pour être en major et bénéficier de l'accompagnement qui vient avec. Et nous, ayant pour beaucoup grandi dans cette zone-là, on sait comment appréhender et parler à nos artistes, à nos frères artistes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles cette aventure a été excitante dès le départ. Parce que sa vision à la source a été différente et l'est encore. C'est-à-dire que vous voyez les artistes, comme vous dites, comme votre frère, alors que hier, on les voyait plus comme des employés, pas forcément des égaux, des producteurs, il faut quand même le dire. Enfin, sur le continent, on a quand même la place de l'humain dans tout ça est décuplée. On ne fait pas du business de la même manière qu'on en fait en Angleterre ou en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali. Si on n'a pas ce lien-là, un minimum fraternel qui est créé, c'est plus difficile. Alors, a fortiori, dans la musique, où c'est quelque chose de très émotionnel, où c'est quelque chose qui touche au ressenti, à la création. Je sais pas, moi, une chanson qui est devenue une chanson à succès qui s'appelle « Tu es dans Pain ». Tu es dans Pain, nous, dans notre environnement commun, urbain, jeune, tu es dans Pain, si tu es dans des problèmes. Tu as une partie, là, en ce moment, ça va pas trop. Le fait qu'il l'ait mis en chanson, ça en est devenu une chanson ultra populaire. Et la diaspora l'a fait transpirer tout doucement dans certaines strates de la jeunesse française. Aujourd'hui, c'est un groupe qui commence à éclore en France. Pour la France, pays des boulangers. Un directeur artistique français aurait peut-être un petit peu de mal à comprendre. Ok, c'est le groupe Kiff No Beat. Moi, c'est Black à Kiff No Beat. Salut, c'est Didi Kiff No Beat. On est le porte-étendard de la nouvelle génération. C'est totalement décomplexé, les petits. Hein. Voilà, c'est un groupe de 5 jeunes rappeurs des quartiers périphériques d'Abidjan qui ont donné un gros coup de pied dans la fourmilière à un moment donné où on était dans une période post-crise politique où musicalement le décalé coupé avait pris le dessus sur toutes les musiques ivoiriennes. C'était devenu la musique populaire avec un grand P. Ils n'ont pas eu peur, eux, d'arriver différemment avec un style et des paroles différentes. Et tout de suite, ils sont sortis du lot. Et qui assument totalement leur africanité, leur côté, on fait du rap, mais différent. Leur album sur lequel on est en train de travailler s'appelle Bledar is the New Fresh, par exemple. Donc on est quand même sur des gamins qui n'ont pas envie d'être dans le moule urbain classique. En tout cas, quand on parle de Benjaville, au début, il n'y avait pas le goudron là-bas. C'était la terre rouge. Comme on dit, c'est le bled, hein, comme le nom de notre album qui arrive, Bledar is the New Fresh. C'est le titre. Normalement, Bledar, c'était un peu mal vu avant. Bon, par nous, les Africains, parce que dire à un Africain blédard, c'est un peu comme une insulte. Blédard, ça veut dire villageois. Blédard, ça veut dire quelqu'un qui est gaou, quelqu'un qui connaît rien, qui s'habille bizarrement. Il n'avait pas les codes. Il n'avait pas les codes, tout simplement pas les codes. Dans sa manière d'agir, de parler, en général, moi, quand je suis arrivé en 2003, c'était mon premier hiver, octobre. On n'est pas du tout en hiver, mais je commençais à sortir les bonnets et tout, et j'étais traité de blédard. Parce que il fait 20 degrés. Pourquoi tu mets un bonnet et des gants? C'est pas normal. Mais j'étais un blédard. Et aujourd'hui, quand tu dis blédard, tu es fier d'être blédard. C'est ce qu'on veut envoyer, en fait. Voilà. Quand tu arrives en France, tout le monde te dit blédard. Genre, tout le monde veut sortir avec le blédard. Tout le monde veut sortir avec les gaou aujourd'hui. C'est la nouvelle mode d'être blédard, maintenant. Parce que c'est du jamais vu. déjà. Ça ne vit pas avec vous tout le temps. Ils ont tous envie de savoir ce qui se passe au pays et tout. Donc, ils sont tous contents en fait. 2000 yeah, à vous pop on ensemble, c'est Kiff No Beats from Abidjan. They will never know you're listening Afro Pop. C'était Paris Abidjan, des racines aux machines, avec Asalfo, Claudicia, Marges Bahar, Dominique Collagen, Franck Kakou, José Da Silva, les groupes Kiff No Beats, Révolution et Zouglou Makers, Didier Billet, Archivina, Marie Chevaux et Christelle Rousseau. Recherche bibliographique, Annise Signoret. Merci à Nina Pareja, à Arnaud Robert et à Frédéric Miquel. Prise de son, Claude Nior. Mixage, Manuel Couturier. Une émission d'Élodie Maillot, réalisée par Manouchak Fachey. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Abidjan, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Bonne à Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Mais en attendant, restez à l'écoute.